Amen. Si vous êtes dans Galates chapitre 3, gardez quelque chose dedans, on va relire des versets 21 à 24. Donc Galates chapitre 3, versets 21 à 24. Vous pouvez garder quelque chose dedans. Donc la Bible dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Dieu nous en garde, car s'il avait été donné une loi qui puisse donner la vie, en vérité la droiture devrait avoir été par la loi. Mais l'Écriture a conclu tous sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi, laquelle devait plus tard être révélée. Verset 24. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Et donc, on va revenir dans ce chapitre de Galates, chapitre 3. Aujourd'hui, on continue notre série de sermons. Donc, on avait commencé, je pense, ça fait 3 semaines, si je me souviens bien, sur le soul winning, dans ce qu'on appelle l'évangélisation, le soul winning, comment gagner des âmes. On avait vu la partie 1. Donc, si vous vous rappelez, je vais refaire un résumé de la partie 1. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et si vous vous souvenez, j'avais mentionné dans la première partie que je ferais une série de 4-5 messages à peu près. Je pense que 4 seront suffisants, mais on verra comment ça évolue. Mais vraiment, c'est une série très importante. Comme j'avais déjà mentionné, on avait vu une introduction au soul winning dans la première partie. Vraiment, je vous encourage vivement à prendre des notes, à réécouter si nécessaire. Et pourquoi? Parce que comme j'ai mentionné dans la première partie, c'est notre première mission, quand on est sauvé, d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Notre première mission, c'est d'aller prêcher l'évangile, d'être capable de le faire. Donc c'est une méthode, justement, pour ça. C'est une méthode pour aller évangéliser. Et chacun d'entre nous, une fois que vous êtes sauvés, vous avez ce ministère de la réconciliation, on a tous ce ministère. Donc c'est un travail qu'on doit prendre très au sérieux, et j'espère que chaque personne ici prend ce travail très au sérieux. Et donc c'est une série basée sur les messages de notre pasteur, j'en ai déjà parlé aussi dans la première partie, notre pasteur Ian Taverner de notre église Strong Tower en Angleterre. Notre pasteur avait fait une série de 8 messages sur justement comment prêcher l'évangile, comment gagner des âmes. Je vous encourage à l'écouter, je le mettrai de nouveau dans la description de cette vidéo, donc une playlist. Mais c'est la méthode de notre église, donc c'est la méthode de notre groupe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on fait partie de l'église Strong Tower. Et donc on apprend aussi, si vous dites « Ouais, moi je sais déjà évangéliser », on apprend toujours, n'est-ce pas? On apprend toujours à s'améliorer, on veut toujours s'améliorer, se perfectionner, peut-être changer certaines choses, devenir meilleur, parce que on apprend toujours dans tous les domaines. Donc on veut devenir meilleur pour évangéliser, on veut avoir cette humilité, on doit avoir cette humilité de progresser et de se perfectionner. Donc dans la première partie, je fais simplement un résumé, on avait vu 2 choses. La première c'était une introduction, soul winning, et la deuxième c'était le démarrage d'une conversation. Donc pour rappel, simplement rapidement, notre église a 10 règles, donc ça c'était dans l'introduction à soul winning, il y a 10 règles que notre église a. Première chose, le fait d'avoir une Bible physique, quand on va prêcher l'évangile, on a une Bible physique avec nous, on prêche l'évangile aux gens. Avoir une structure logique, et c'est ça qu'on voit à travers cette série. On veut avoir une logique, une structure dans la manière dont on prêche l'évangile. Être au minimum par pair, j'en avais parlé aussi. On avait vu cette notion de partenaire silencieux, le fait qu'un partenaire silencieux est silencieux, qu'un partenaire silencieux est un partenaire. On avait vu le fait de s'habiller de manière appropriée. Je vais pas développer, hein, vous pouvez réécouter le premier message. Le fait de venir préparer, la 8e chose, c'était la carte, parce que notre église, en porte-à-porte, utilise des cartes. Pour l'instant, nous, c'est pas approprié pour nous. Le fait de prier avant et pendant, et le fait d'être dans l'esprit. Ça, c'était les 10 règles de notre église. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, qui était aussi dans la première partie, mais on a vu ces 2 parties dans la première, c'était le démarrage de la conversation. Donc, on avait vu un exemple de comment on aborde quelqu'un, comment parler avec quelqu'un. Simplement, pour un résumé, on avait vu, par exemple, vous pouvez aller vers quelqu'un et dire, voilà, nous sommes chrétiens baptistes. Vous pouvez dire, nous sommes de Tourfort baptiste. On donne ces invitations pour notre groupe baptiste. Comme j'avais dit, c'est bien de dire 2 fois baptiste si vous pouvez, parce que comme ça, les gens se disent « Ah, il est pas témoin de Jéhovah, il est pas mormon, il est baptiste. » On donne ces informations, vous pouvez montrer l'adresse du groupe, montrer la vidéo. Ensuite, vous pouvez demander « Voilà, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous allez à l'église ?» Simplement pour voir si la personne a un passé chrétien, si elle se dit chrétienne. Et ensuite, plus important que ça, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis après la mort? Est-ce que vous avez cette assurance d'aller au paradis? Bien s'assurer de ce que les gens croient. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et si quelqu'un vous dit oui, demandez-lui, voilà, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous croyez que quelqu'un doit faire pour aller au paradis? Important, parce que dépendant de la réponse, vous allez voir si la personne est sûre ou non, si la personne a le vrai témoignage du salut. Mais j'en ai déjà parlé dans la première partie, mais je vous fais un résumé. Mais vous pouvez leur dire, vous pouvez être sûr. La Bible dit que vous pouvez être sûr d'aller au paradis. Et ensuite, vous pouvez commencer la présentation si la personne est prête à écouter, si la personne est intéressée. Autre chose, retenez bien les réponses des gens. Retenez bien, s'ils vous disent « Oui, je crois qu'on va au paradis en étant une bonne personne. Je crois qu'on va au paradis parce qu'on doit garder les commandements. Je crois qu'on peut perdre la vie éternelle si on fait quelque chose de mal. » Retenez bien ça parce que vous allez y revenir à la fin. Et on verra ça dans la 4e partie. Certainement, dans la 4e partie, j'en reparlerai. Mais je vous le rappelle. Notez bien ce que les gens, dans votre esprit, retenez qu'est-ce que les gens croient qu'il faut faire pour aller au paradis. N'oubliez pas aussi qu'on cherche des personnes qui veulent écouter l'évangile, n'est-ce pas? On cherche quelqu'un qui veut être sauvé, quelqu'un qui veut écouter, pas quelqu'un qui est là pour débattre, perdre du temps ou simplement vous prêcher lui ce qu'il croit. Si c'est un réprouvé évident, j'en ai parlé, partez, n'est-ce pas? Si c'est quelqu'un qui déteste Dieu, etc., ça sert à rien de parler avec cette personne. De même, attention aux témoins de Jéhovah, je l'ai dit dans la première partie, s'ils disent qu'ils sont, c'est possible de demander-leur depuis combien de temps ils le sont, demandez-leur s'ils vont évangéliser depuis plus d'un an, parce que si c'est le cas, vous allez perdre votre temps. Si c'est quelqu'un de sincère et qui dit oui, moi je vais chez eux, mais je sais pas trop, là c'est différent. Mais si quelqu'un va évangéliser depuis un an, ou chez les témoins de Jéhovah depuis tant de temps, malheureusement, je pense que si vous avez eu cette expérience, vous voyez aussi que malheureusement, ils sont là pour débattre, ils sont là pour vous prêcher leur doctrine, etc. Donc attention à ça. Si c'est quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui est ouvert, c'est différent, parce que voilà, on est là pour chercher des gens qui veulent savoir. Attention aux musulmans aussi, dans le sens un musulman qui est là pour débattre sur la Trinité, parce que des fois, ils vont vous écouter jusqu'à la Trinité, et quand la Trinité arrive, ça finit en débat, et voilà, je vais en parler, je crois que j'en parle aussi ici. Mais voilà, attention à ça également. Donc apprenons avec le temps à lire les gens, avec l'expérience on apprend à lire les gens, est-ce que les gens sont vraiment intéressés, est-ce qu'ils sont juste là pour débattre, attention au débat et aux pertes de temps, n'est-ce pas? Donc ça c'était le premier message, une introduction au soul winning et démarrer la conversation. Allez dans Galates chapitre 3, vous y êtes certainement encore, mais aujourd'hui on va rentrer pleinement dans la présentation de l'évangile. Donc c'est en deuxième partie aujourd'hui de comment aller gagner des âmes, c'est le péché et ses conséquences et l'évangile. Donc c'est les deux parties qu'on va voir aujourd'hui, il y en aura deux autres avec... comment on est sauvé et l'assurance du salut. Et après, il y en aura une autre sur le fait d'invoquer le nom du Seigneur et certainement les questions. Et je vais voir si 4 ou 5 parties, ça suffira aussi, un peu de follow-up, etc. Donc, première chose aujourd'hui, le péché et ses conséquences. Si vous êtes dans Galates chapitre 3, on va relire les versets 23 et 24. Galates chapitre 3, versets 23 et 24. « Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi, laquelle devait plus tard être révélée. » C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi. Et dans ce verset 24, notez que la Bible dit que la loi c'est votre maître d'école. C'est notre maître d'école. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'on voit la loi, parce qu'on voit les commandements qu'on se dit « Ah, comment je vais faire ? Je mérite d'aller en enfer, qu'est-ce que je vais faire pour aller au paradis ?» Et ben ça nous conduit à la foi. On comprend qu'on peut pas se sauver par nous-mêmes, donc c'est un maître d'école comme quelqu'un qui vous conduit. En fait, quand vous voyez la loi, vous dites « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ça vous conduit jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un maître d'école. Donc la loi nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Et Galates chapitre 3, c'est un bon passage pour ça. Des fois, d'ailleurs, ce passage est bien. Des fois, si vraiment quelqu'un doute par rapport à ça, montrez-le, voilà, c'est un maître d'école. Les gens qui disent « Oui, mais la loi, alors, bah, ça nous conduit à Christ. » Donc c'est fondamental. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut accepter le fait d'être pécheur, d'être coupable devant Dieu et d'avoir besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? C'est fondamental, c'est pour ça que c'est le maître d'école. Donc c'est logique de commencer par le péché et ses conséquences. Pourquoi on commence par le péché et ses conséquences? Parce que les gens vont réaliser, d'accord, je suis coupable, et ça va les amener à la foi. C'est quelqu'un qui va croire en Jésus-Christ, bien sûr, quelqu'un qui se convertit. Parce que quand on parle du salut, donc peut-être que vous n'êtes pas accoutumé avec cette notion de salut, quand on parle du salut, on parle de quelqu'un qui est sauvé de l'enfer. On parle de quelqu'un qui est sauvé de l'enfer, de la conséquence de ses péchés, et qui va aller au paradis. Donc quand quelqu'un veut écouter l'évangile, allez dans Romains chapitre 3, si vous voulez bien. Allez dans Romains chapitre 3. Donc là, on a vu Galates chapitre 3. Il me semble que je vais y revenir rapidement, garder quelque chose dedans, si vous voulez. Mais allez dans Romains chapitre 3. Là, on en est, souvenez-vous, dans la première partie, on en est au fait de démarrer la conversation. Quand quelqu'un veut écouter l'évangile, comme on en avait parlé dans la première partie, on peut commencer par leur dire, voilà, il y a plusieurs choses que vous devez comprendre, et allez dans Romains chapitre 3, verset 10. Allez dans Romains chapitre 3, verset 10. Vous pouvez commencer par Romains chapitre 3, verset 10. N'oubliez pas, je l'ai dit dans la première partie, surlignez vos versets. Pour moi, c'est important, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que les gens voient directement... vous aussi, vous le voyez directement, et ça évitera que les gens regardent un peu partout. Je pense qu'on a un réflexe, nous, êtres humains, quand on voit quelque chose de surligné, on regarde à cet endroit-là. Donc c'est plus facile pour les gens, c'est plus facile pour vous. Donc surlignez vos versets. Notez le verset à côté aussi. Le verset suivant, vous le mettez sur le verset que vous êtes en train de lire, comme ça, ça vous aide à savoir où est-ce que vous devez aller, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et mettez quelque chose dans le premier verset auquel vous allez. Mettez peut-être quelque chose, une brochure, quelque chose dans votre Bible. Comme ça, vous savez directement où tourner si vous n'avez pas l'habitude de tourner rapidement la Bible. Comme ça, ça permet d'être plus fluide. Donc, commençons à Romains chapitre 3, verset 10. Il est dit, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non, pas un seul. Donc, qu'est-ce qu'on explique avec ce verset aux gens? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, je suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, on a tous commis des péchés, et la plupart des gens disent oui, c'est vrai, tout le monde acquiesce, voilà, on n'est pas parfait, on a commis des fautes, on a commis des péchés. Donc c'est un bon endroit pour commencer parce que ça fait réaliser à la personne que voilà, ah oui, j'ai commis des péchés, et dites, je suis pas parfait, vous n'êtes pas, dites, je suis pas parfait, n'est-ce pas? Pas, toi tu es pas parfait, moi, non, c'est, personne n'est parfait. Parce qu'on veut toujours que la personne se sente à l'aise, on n'est pas là pour viser la personne en disant « toi, t'es minable, toi, t'es un pécheur, etc. » Non, on est tous pécheurs. On est tous pécheurs, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non pas un seul. Et après, vous pouvez aller rapidement au verset 23. Donc ça, vous pouvez le citer assez rapidement quand même et aller au verset 23. Donc n'oubliez pas, mettez le verset suivant à côté du verset que vous lisez. C'est une bonne méthode si vous voulez. Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Donc là, on voit quoi? Qu'on est tous pécheurs. C'est clair, et il est bien de leur demander qu'est-ce que c'est qu'un péché. Demandez-leur, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un péché pour vous? Et parce qu'on veut que les gens soient engagés dans la conversation, n'est-ce pas? Posez des questions aux gens, et des questions faciles. Posez pas des questions où les gens vont se sentir dans un piège, où ils vont pas savoir, parce que ça les met pas à l'aise. Des questions faciles, ça les met à l'aise. Vous pouvez leur dire oui, c'est ça, et les gens vont se dire ouais, j'arrive à répondre. Et on veut mettre les gens à l'aise, n'est-ce pas? On veut mettre les gens à l'aise, on veut que les gens se sentent bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un péché? La plupart des gens savent pas. Excusez-moi. Donc, c'est la transgression de la loi. Donc, évitez de poser des questions que les gens n'arrivent pas à répondre. Et donc, dans Romains chapitre 3, verset 23, le péché est la transgression de la loi, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc, on peut pas atteindre la gloire de Dieu. Dieu est parfait, nous, on n'est pas parfait. Et demandez-leur un exemple de péché. Vraiment extrêmement important. Demandez-leur un exemple de péché. Et c'est notre pasteur qui enseigne ça, et c'est extrêmement important pour moi. Et vous allez voir pourquoi. Et s'ils disent pas le mensonge, il y a des gens qui vont dire mentir. C'est un des premiers péchés qui vient à l'esprit des gens. Mentir, c'est un péché. Donc demandez-leur ce que c'est qu'un péché. S'ils disent autre chose que mentir, dites-leur, voilà, simplement, vous êtes d'accord que mentir est un péché? La plupart des gens vont dire, oui, mentir, c'est un péché. Et peut-être des gens qui vont, voilà, vous pouvez dire, la pensée de folie aussi, c'est un péché. Tout le monde sait qu'on a une mauvaise pensée. Donc la plupart des gens sont d'accord. Dire que tout le monde a menti, j'ai menti, vous avez menti, tout le monde a déjà menti, donc on est tous pécheurs. Donc, vous pouvez dire d'autres péchés assez communs si c'est nécessaire, mais généralement le fait de dire qu'on est menteur, qu'on a des mauvaises pensées, peut-être que vous avez déjà volé, on a tous désobéi à nos parents, etc. Donc on est tous pécheurs. Ça c'est Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Allez dans Romains chapitre 6, donc après Romains 3, 10, Romains 3, 23, voilà, on n'atteint pas la gloire de Dieu, Dieu est parfait, on est coupable devant Dieu, on a enfreint sa loi, c'est toutes des choses qu'on explique. Parce qu'oubliez pas, vous faites pas juste lire un verset et vous passez au suivant. Je pense que chacun d'entre nous ne fait pas ça, mais expliquez les versets. Expliquez les versets, expliquez, voilà, et vous avez demandé qu'est-ce que c'est qu'un péché, vous avez demandé quel exemple de péché, vous avez dit le mensonge, ils ne l'ont pas dit eux-mêmes. Toujours important. Et donc, quelle est la punition du péché? Ben, on le voit dans Romains chapitre 6 au verset 23, et on peut dire Romains chapitre 6 verset 23 A. Pourquoi? Parce que le début du verset. C'est mieux de ne pas donner le verset au complet. Donnez seulement le début, parce que si vous donnez le verset au complet, ça peut être embêtant, les gens, ils vont commencer, et ils pourraient vous poser des questions alors que vous n'en êtes pas encore à ça. Vous n'êtes pas encore à ça. Donnez simplement le début du verset et redonnez la fin du verset plus tard. C'est mieux. Donc, Romains chapitre 6, verset 23, au début du verset, il dit « Car le salaire du péché est la mort ». Donc, quelle est la conséquence du péché? C'est la mort. Et donc, on va tous mourir physiquement, on le sait, mais là, ça part aussi de la mort spirituelle, le fait qu'on mérite d'aller en enfer. Chacun d'entre nous, on mérite d'aller en enfer. On va tous mourir physiquement, et à cause de nos péchés, on mérite d'aller en enfer. Après Romains chapitre 6, verset 23, vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, si vous voulez bien. Donc, on est pécheur, on mérite d'aller en enfer. On va dans Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Si vous voulez aller dans ce verset, donc en étant assez rapide sur ce verset, Apocalypse chapitre 20, verset 14. Donc, salaire du péché et la mort, où est-ce qu'on mérite d'aller en enfer? Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là, la seconde mort. Donc, on a la seconde mort, c'est le fait d'aller dans le lac de feu. Donc, ça parle de la mort spirituelle. Et oubliez pas, vous pouvez dire aux gens, c'est la partie qui est la moins facile. C'est la mauvaise nouvelle, mais vous inquiétez pas, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez être sauvé de l'enfer. Mais les gens ont besoin de comprendre ça. On a vu, la loi, c'est notre maître d'école pour nous conduire jusqu'à Christ. Après Apocalypse 20, verset 14, vous pouvez aller assez rapidement sur celui-là, vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Je pense que chacun d'entre nous, on utilise déjà ce verset. Apocalypse chapitre 21, verset 8, où il y a toute une liste de péchés. Il est dit, mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. La Bible est claire ici, tous les menteurs méritent d'aller en enfer. Et vous avez toute une liste de péchés. On a tous eu peur, on a tous douté, etc. Peut-être, voilà, j'espère que chacun d'entre nous, personne n'a tué quelqu'un, mais en tout cas, on a tous menti. On a tous menti. Et donc ça, c'est une liste de péchés communs, le fait que voilà, on a tous déjà menti. Et c'est pour ça que c'était vraiment essentiel que vous ayez parlé du mensonge avant. Parce que si vous avez parlé du mensonge avant, si les gens ont dit « oui, c'est vrai, j'ai déjà menti, je suis d'accord », ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas dans cette liste. Ils ont déjà dit qu'ils y étaient. Alors que si vous ne l'avez pas, et c'est notre pasteur qui le conseille, c'est vraiment bien, si vous ne l'avez pas dit, il y a peut-être des gens qui vont dire « non, mais moi, je n'ai pas vraiment menti ». Alors non, ils l'ont déjà dit. Donc là, ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'on... Donc c'est plus facile pour eux, voilà. Et qu'est-ce que disent verset Apocalypse 21, verset 8 ? Tout le monde mérite d'aller en enfer. On a tous menti, on a tous enfreint la loi de Dieu. Donc on mérite tous d'aller en enfer. Dieu est juste, il y a une justice. Et donc vous pouvez leur demander où tous les pécheurs méritent d'aller. Et voilà, la plupart des gens vont dire en enfer, en enfer. On mérite tous d'aller en enfer. Autre chose, donc allez au Apocalypse chapitre 20, verset 10. Après Apocalypse 21, verset 8, vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Si vous voulez donner ce verset, simplement ce verset, il est bien pour bien confirmer que l'enfer, c'est éternel. L'enfer est éternel. S'il y a besoin de l'expliquer, vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, qui nous dit « Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont. » Et moi, des fois, je donne juste la fin du verset. Donc, vous pouvez donner tout le verset. Il est dit « Et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Donc, ça montre quoi ? Que quelqu'un qui va en enfer, il est tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. L'enfer est un lieu éternel. Et il n'y a pas d'annihilation de l'âme, il n'y a pas de purgatoire, non. C'est le paradis ou l'enfer. Si quelqu'un va en enfer, il y est pour toujours. Et il va brûler. Et donc, vraiment un lieu où on ne veut pas aller. Aller dans le feu pour toujours. Et parfois, je dis aux personnes « Voilà, je ne crois pas que vous voulez y aller. » Je pense pas que vous avez envie d'aller en enfer. Et la plupart des gens ne veulent pas aller en enfer, n'est-ce pas ? Et Dieu veut pas. Et ça vous permet de dire oui, ben, Dieu veut pas que vous alliez en enfer. Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous alliez au paradis. Vous pouvez vous assurer d'aller au paradis, et c'est ce qu'on va voir juste après. Vous pouvez leur dire, mais voilà, on mérite d'aller en enfer. Il faut réaliser ça, et il faut le reconnaître. Et bien, gardez à l'esprit, voilà, c'est pas la partie la plus facile pour nous non plus. Hein, dire à quelqu'un, ça, c'est pas, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont pécheurs, qu'ils méritent d'aller en enfer et que l'enfer est un lieu pour toujours. Si les gens acceptent ça, on va voir justement comment ne pas y aller. Et des fois, Dieu soit loué, des gens vont dire, mais je veux pas y aller, je veux être sauvé. Il y a des gens qui vont le dire à ce moment-là. Il y a des gens qui ont peur de l'enfer. Et tant mieux. Et c'est ce qu'on veut. Mais il y a des gens déjà à ce moment-là. Qui vous leur dire, voilà, il y a une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer justement comment aller au paradis. Et donc, notre pasteur a fait une série, dans la série, à travers la série des messages aussi, il donne des versets alternatifs. On va en voir certains aujourd'hui. Mais ça, c'était la première partie. Retournez dans Galates chapitre 3, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Si vous voulez noter, vous pouvez noter cette liste. C'est la liste de notre pasteur aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On est tous pécheurs, on mérite tous d'aller en enfer. Romains 3, 10, Romains 3, 23, Romains 6, 23, donc la première partie. Apocalypse chapitre 20 verset 14, Apocalypse chapitre 21 verset 8 et Apocalypse chapitre 20 verset 10. Et quand on voit ça, c'est une bonne progression logique. Il y a une logique, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a une logique, il y a une structure. Relisez Galates chapitre 3 verset 24, ça fait vraiment sens, il est dit. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école, pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Tout ça, ça fait partie du maître d'école. Là, vous leur dites, vous êtes pécheurs, vous avez enfreint la loi de Dieu, et on va jusqu'à l'évangile, la solution. Et si des personnes comprennent vite ça, si des personnes connaissent déjà ça, déjà, il y a beaucoup de gens qui savent déjà, oui, on mérite tous d'aller en enfer, on est tous pécheurs, l'enfer est éternel, vous n'avez pas à passer beaucoup de temps sur ça. Ne vous attardez pas sur ça si les gens acceptent déjà ça, et voilà, c'est nécessaire, il faut le faire, mais possible d'aller un peu plus vite si la personne connaît déjà, mais c'est très, très important qu'ils comprennent et qu'ils soient d'accord. Si les gens comprennent et sont d'accord, on passe à autre chose. Plusieurs choses à éviter. Que notre pasteur a donné aussi plusieurs choses à éviter dans cette première partie par rapport à le péché et ses conséquences. Première chose à éviter, de trop se focaliser sur le péché. Pas besoin de dire, de faire une liste de péchés aux gens. On n'est pas là pour dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait comme péché? Vous dressez toute une liste des péchés. Non, vous êtes là pour que les gens se sentent à l'aise, se sentent bien. Si vous avez, la personne vous a dit, oui, on est tous menteurs, j'ai déjà menti, ça suffit. Ça suffit. Voilà, si les gens, voilà, la folie de penser un péché, vous savez qu'on a tous désobéi à nos parents, on a tous enfreint la loi de Dieu, vous pouvez donner des exemples si nécessaire, mais focalisez-vous pas trop sur le péché en avouer à la personne quel péché elle a fait. Alors autre chose, comme on a vu, c'est mieux, je vous le conseille, faites avouer à la personne qu'on est tous menteurs avant d'aller dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 8, parce que ça permet que la personne, comme ça, pourra pas dire non, j'ai jamais menti, etc. Voilà, elle l'a déjà avoué. Ne pas s'attarder trop longtemps sur l'enfer, s'ils ont déjà accepté ça. Donc c'est des choses à éviter. Par contre, ils doivent comprendre que l'enfer est éternel. Faire comprendre aux gens que l'enfer est éternel et qu'ils soient d'accord. Pour les enfants doivent comprendre, mais on doit être plus soft avec eux, n'est-ce pas? Un enfant doit comprendre qu'il mérite d'aller en enfer, mais avec un enfant, on est plus soft, on est plus doux qu'avec un adulte. Si vous commencez, des fois, on présente l'évangile, la personne dit « j'ai pas trop de temps », vous commencez par Jean 3, 16, Romains 3, 26, 23, et vous voyez que la personne, finalement, elle reste, elle écoute. Si vous commencez par Jean 3, 16, par exemple, si vous faites un résumé et que finalement vous voyez qu'ils sont intéressés, c'est bien de recommencer. Même si la personne accroche, recommencez à Romains 3, 23. Pourquoi? Parce que si vous commencez directement, c'est par la foi, c'est pour toujours, vous n'avez pas mentionné le fait qu'on est pécheur, on mérite d'aller en enfer. C'est mieux de recommencer. Si vous voyez que la personne finalement vous dit qu'elle a du temps, ou que vous voyez que, recommencez à Romains 3, 23, et vous lui dites, je peux vous le montrer, il y a des gens qui vont dire oui, finalement, etc. C'est mieux de recommencer. Au moins confirmer avec eux, donc une chose qu'on veut faire, au moins confirmer avec eux qu'on est tous pécheurs, qu'on mérite d'aller en enfer et que l'enfer est pour toujours. Ça c'est la première partie, le péché et ses conséquences. Maintenant deuxième partie, allez dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, donc ça c'était le péché et ses conséquences. Donc comment gagner des âmes, faire réaliser à la personne qu'elle a commis des péchés, qu'on est tous pécheurs, qu'elle mérite d'aller en enfer et que l'enfer est un lieu de tourment éternel. Deuxième chose, maintenant la solution. On a vu le problème, entre guillemets, où est-ce qu'on mérite d'aller, mais maintenant la solution, c'est l'évangile. C'est la deuxième partie de cette deuxième partie, c'est l'évangile. Si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire des versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « De plus, frères, je vous déclare l'évangile. » Donc là, on voit l'évangile. « Que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et tant que j'y pense, un jour je ferai un message là-dessus, mais quand il est dit cru en vain, c'est quelqu'un qui n'a pas cru. Hein. C'est pas quelqu'un qui a cru et qui ne croit plus. Non, là c'est quelqu'un qui a cru en vain, donc c'est quelqu'un qui n'a pas cru le vrai évangile. Donc ce qu'on appelle l'apostasie. Quelqu'un qui dit oui, moi je crois en Jésus-Christ, mais en fait il ne croit pas. Ou un faux frère, ou un Judas, ou quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais cru quand on dit cru en vain. Parce que quelqu'un qui a cru, il croira toujours. Donc après le péché, ses conséquences, la solution, amen, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile, on le voit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc c'est la deuxième partie d'une présentation type de comment aller au paradis, comment gagner des âmes. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est mention de l'évangile. Et ce passage ne fait pas partie de la liste type de versets, mais c'est un verset complémentaire ou un substitut que vous pouvez utiliser. C'est des versets complémentaires, on verra ça un peu après. Donc après Apocalypse chapitre 20 verset 10, si vous le mentionnez, vous pouvez aller dans Romains chapitre 5. Donc on avait vu Romains, on avait vu Apocalypse, le dernier où on en était resté c'était Apocalypse chapitre 20 verset 10, maintenant on va à Romains chapitre 5 au verset 8. Donc quand vous faites ça, quand vous tournez, donc là vous changez de partie, on a vu le péché ses conséquences, vous allez sur l'évangile. Des fois, quand vous tournez les pages, posez une question, ça laisse le temps aux gens de répondre pendant que vous tournez les pages. Et donc, vous pouvez, là, par exemple, faire un résumé et dire, voilà, on a vu, on est tous pécheurs, on mérite d'aller en enfer. Et ça permet de faire la transition, mais Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu nous aime, Dieu est juste, mais Dieu nous aime. Donc, il a pourvu la solution dans Romains chapitre 5 au verset 8. Il dit, mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc, Dieu a magnifié son amour pour nous, n'est-ce pas? Il l'a exalté, il l'a manifesté. Et en envoyant son fils Jésus-Christ. Et donc, ici, c'est un bon moment pour leur demander qui est Jésus-Christ. Demandez-leur qui est Jésus-Christ pour vous, qui vous croyez qu'il est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça permet de voir si la personne, elle sait déjà, donc ça permet d'aller un peu plus vite. Est-ce qu'elle sait déjà que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur? Ça permet de toujours garder la conversation, n'est-ce pas? On parle avec les gens, on n'est pas là en train de faire une récitation, non, on veut que les gens soient investis dedans. On veut savoir ce qu'ils pensent, et ça permet donc de jauger la suite et de vous dire, voilà, je peux aller un peu plus vite avec cette personne, elle sait déjà. Ou ça permet de, voilà, je vais devoir donner un peu plus de versets. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes de réponses, bien sûr, dépendant de la réponse, ça détermine combien de temps on prend pour expliquer. Allez dans 1 Jean chapitre 5, donc après Romains chapitre 5 verset 8, c'est 1 Jean chapitre 5. Si quelqu'un croit en la Trinité, si quelqu'un croit qu'il est Dieu, c'est différent de quelqu'un qui va vous dire, c'est juste un prophète. Là, vous voyez qu'il y a une grosse différence. La plupart des gens vont vous dire, il est le fils de Dieu, il est le sauveur. S'il dit ça, validez avec eux qui croient qu'il est Dieu, avec 1 Jean chapitre 5, et normalement c'est suffisant. Si les gens croient déjà que Jésus est le fils de Dieu et qu'il est Dieu, voilà, on explique la Trinité, c'est bon. C'est 1 Jean chapitre 5, demandez-leur, est-ce que vous connaissez la Trinité ? Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et donc on mentionne 1 Jean chapitre 5 au verset 7. Donc s'ils connaissent, l'expliquer brièvement, il a dit, car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la parole, donc la parole c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. Donc Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, hein? Voilà, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes, un seul Dieu. Si les gens disent oui, ben vous pouvez continuer. Et bien dire, voilà, vous pouvez dire aussi le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, c'est vraiment trois personnes distinctes. Donc les gens, on n'oublie pas que les gens ont juste besoin de l'accepter par la foi. Vous n'avez pas besoin de donner des exemples bizarres ou de dire, voilà, c'est comme un arbre, comme un œuf. Non, si les gens l'acceptent par la foi, ça suffit, vous êtes d'accord, voilà. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre. Et même nous, on ne peut pas tout comprendre, n'est-ce pas? Il y a un mystère quand même dans la Trinité, même si nous on comprend la Trinité, il y a beaucoup de passages qui parlent de la Trinité, mais les gens ont besoin de l'accepter, on l'accepte par la foi que Dieu est trois personnes, n'est-ce pas? Donc c'est par la foi, donc la plupart des gens l'acceptent, ça suffit normalement. S'ils l'acceptent pas, donc là on sort des versets types, vous pouvez aller dans Jean chapitre 1. Donc si les gens acceptent pas la Trinité, ils ont besoin d'un peu plus, ils disent, ah, je suis pas vraiment sûr, allez dans Jean chapitre 1. Donc ça, ça fait partie des versets complémentaires. Comme je vous ai dit, si quelqu'un a accepté, 1 Jean chapitre 5, verset 7, ça suffit. Mais s'il y a besoin de plus, vous pouvez aller dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Donc quand il est dit la parole, regardez le verset 14, vous pouvez compléter avec le verset 14 pour expliquer qui est la parole. Et la parole a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc qui s'est fait chair ? Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Qui a pris un corps d'homme ? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc Jésus était avec Dieu, donc deux personnes. Et celui qui est la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Donc ça c'est un verset où vous pouvez dire le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et il est dit en plus, toutes choses ont été faites par lui. Donc il est le Créateur. Donc ça, c'est un verset complémentaire sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ et le fait que Jésus-Christ est éternel, n'est-ce pas ? Jésus-Christ, il existait avant d'avoir été manifesté dans la chair, il a toujours existé. Donc ça, c'est Jean chapitre 1. Autre chose, allez dans 1 Timothée chapitre 3, normalement ça devrait suffire. Si ça suffisait pas, hein, Jean chapitre 5, Jean chapitre 1, ça devrait suffire. Maintenant, s'il y a besoin d'autres versets, mais attention, si vous voyez 1 Jean chapitre 5, Jean chapitre 1, attention, parce que ça montre qu'ils commencent à rogner les Écritures, s'ils ont besoin de plus. Mais, bénéfice du doute, si vraiment quelqu'un a des doutes, quelqu'un est sincère, regardez toujours si la personne est sincère. Elle est sincère, elle est indécise, parce que là, c'est là où il faut faire attention au débat. Quelqu'un qui vous amène, vous voyez, verset, après, et il accepte pas, il commence, ça veut dire qu'il renie les Écritures. Mais ça peut être une option, c'est 1 Timothée chapitre 3, si vous voulez le noter. 1 Timothée chapitre 3 au verset 16. Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. La Bible est claire ici. Dieu fut manifesté dans la chair, qui est venu en chair? Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ est Dieu. Donc là, normalement, vous avez montré trois passages, ça devrait suffire. Je vous mentionne simplement d'autres passages, au cas où vous avez vraiment un cas difficile, mais de quelqu'un qui est sincère, qui est indécis. Je vous les mentionne, on va pas y aller, mais vous pouvez les noter si vous voulez. Hébreux chapitre 1, des versets 1 à 8. Un bon passage qui est où Dieu dit, je vais paraphraser, mais il dit au Fils ton trône, ô Dieu. Qui montre que voilà, le Père parle au Fils et il dit qu'il est Dieu. C'est 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 8. Vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 18 aussi, qui montre la divinité de Jésus-Christ, qu'il est le Créateur, dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 18. Vous avez Marc chapitre 14, des versets 60 à 62 aussi, où Jésus dit clairement qu'il est le Fils de Dieu. Et Jean chapitre 8, verset 57 à 59, où Jésus dit « Je suis ». Donc il dit qu'il est Dieu. Ça, c'est des versets complémentaires. Des versets supplémentaires. Vous pouvez les noter à part si vous avez besoin, si quelqu'un a des questions. Donc, c'est bien d'avoir des versets, peut-être que vous les avez déjà en tête, donc c'est pas nécessaire de les noter, mais c'est bien d'avoir des versets complémentaires, des versets alternatifs aussi. Donc ça peut aider aux besoins, mais encore une fois, attention aux gens, et notamment ici où il faut être vraiment vigilant avec les musulmans, n'est-ce pas? On veut que les musulmans soient sauvés, mais si un musulman veut pas changer de religion, ça sert à rien, n'est-ce pas? On n'est pas là pour forcer les gens. On n'est pas là pour débattre, on est là pour prêcher l'évangile à des gens qui veulent écouter. Parce que parfois des musulmans, ils veulent écouter jusque-là, et quand ça commence à être là, là, c'est le débat. Là, ils veulent vous débattre avec vous. Non, Jésus a jamais dit qu'il est Dieu, etc. Donc, c'est le moment d'arrêter si vous voyez quelqu'un est là pour débattre. Donc, ça arrive que des fois les musulmans, malheureusement, l'évangile s'arrête ici parce que ils veulent pas croire à la Trinité. Mais voilà. Dans la liste normale, allez dans 2 Corinthiens chapitre 5 maintenant, si vous voulez bien. Donc, la liste normale après Romains chapitre 5 verset 8, c'est 1 Jean chapitre 5 verset 7. S'ils l'acceptent, possible de leur dire, voilà, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est parfait, il a jamais commis aucun péché, il a fait des miracles, il a enseigné, il a guéri des personnes, il s'est fait arrêter, il a été crucifié. À ce moment-là, vous pouvez leur demander pourquoi il s'est donné pour nous, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous, pourquoi il est mort sur la croix. Parce que ça permet, il y a des gens qui savent déjà pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Ah oui, il est mort pour nos péchés, ah oui, il s'est donné pour nous. Donc, on veut que les gens comprennent pourquoi il est venu, parce que Jésus est venu pour cette raison. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre ? Pour cette raison, mourir pour nous et ressusciter. Donc, allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est un bon passage pour montrer ça, au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, donc ça c'est 1 Jean chapitre 5 verset 7, maintenant c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il est dit, car il a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être fait la droiture de Dieu en lui. Et donc là, vous pouvez expliquer le verset. Dieu a fait le Seigneur Jésus-Christ péché pour nous, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, lui qui n'a connu aucun péché, n'est-ce pas, Jésus est parfait, nous on n'est pas parfait, Jésus est parfait, il s'est donné pour nous. Il fallait que quelqu'un de parfait porte notre condamnation pour qu'on puisse être pardonné. Expliquez ce verset en le lisant, il a jamais péché, il est parfait, il a versé son sang, il est mort sur la croix, il a été enseveli. Ensuite, Actes chapitre 2, donc après 2 Corinthiens chapitre 5, là on voit la mort du Seigneur Jésus-Christ, Actes chapitre 2 verset 31 et 32, vraiment un bon passage. Moi, je l'utilisais pas avant, ou peu, et depuis que le pasteur, j'écoute ses méthodes, j'utilise ce passage, il est vraiment bien, parce que il y a non seulement le fait que Jésus allait en enfer pour nous, mais en plus sa résurrection. Donc c'est un verset où il y a beaucoup de doctrine dedans, et ça permet de faire comprendre aux gens qu'en plus Jésus est mort sur la croix, mais en plus il est allé en enfer pour nous. Il est allé en enfer pour nous, et c'était le prix de nos péchés. Regardez, Actes chapitre 2, verset 31 et 32, il est dit, lui voyant cela d'avance, donc vous pouvez dire, ça parle du prophète David, il a prophétisé, dans l'Ancien Testament, par là de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Donc ça permet de dire, voilà, Jésus-Christ a été enseveli, et il est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits pour nous, mourir pour nous. Et ça montre une chose essentielle, c'est la résurrection. Amen. Ça montre quoi ? La résurrection. Et en plus, il y est deux fois. Il est dit par là de la résurrection, et il est dit, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Si quelqu'un commence à vous dire « Non, mais moi je crois pas que Jésus allait en enfer », notez Matthieu chapitre 12, verset 40. C'est possible, mentionnez Matthieu chapitre 12, verset 40. Si vous voyez que la personne bute sur ça, si vous voyez qu'il faut quelque chose d'autre, et normalement il n'y a pas besoin, mais Matthieu chapitre 12, verset 40 nous dit « Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre ». Et donc ça permet de faire comprendre que l'enfer est au cœur de la terre et que le Seigneur Jésus-Christ allait en enfer pour nous. Et ça... C'est pas Pinocchio, hein. C'est pas Pinocchio qui va pêcher dans le ventre de la baleine. Quand Jonas était dans le ventre de la baleine, il brûlait dans l'acide. C'est mention d'ici, Jonas n'était pas en voyage dans la baleine. C'est un symbole du fait que le Seigneur Jésus-Christ va mourir pour nos péchés, il va aller en enfer. Donc Jonas était dans l'acide du ventre de la baleine. Donc là, on a vu quoi ? On a vu l'évangile, n'est-ce pas ? La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus à travers Actes chapitre 2. Donc Jésus est mort physiquement, mais il est mort aussi spirituellement. Donc maintenant, bien sûr, il est vivant. Vous pouvez dire, voilà, il a montré des trous dans ses mains, Jésus-Christ est vivant, il est à la droite du Père, il fait intercession pour nous, il est vivant aujourd'hui, on croit que Jésus est ressuscité. Donc c'est une résurrection corporelle, on croit que Jésus est ressuscité corporellement dans son corps de gloire. Donc très important, vraiment, expliquer la résurrection, Actes chapitre 2, versets 31 et 32, permet ça, montrer au moins un verset sur la résurrection. Vraiment montrer au moins un verset, parce que là, il le voit dans la Bible. Et j'avais déjà noté dans le passé que quand on montrait pas de verset sur la résurrection, il y a des fois des gens qui vont buter sur la question « Est-ce que Jésus est ressuscité ?» Ils vont dire « Je sais pas ». Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas donné de verset sur la résurrection. Peut-être que c'est un hasard, peut-être que Dieu voulait m'enseigner quelque chose, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est important de montrer un verset sur la résurrection. C'est écrit « Jésus, qu'il est ressuscité ». Donc, on montre un verset sur la crucifixion, mais aussi sur la résurrection. Donc, montrer des versets sur ça. Donc le Seigneur Jésus a fait ça pour nous. Là, vous pouvez faire un résumé. On mérite tous d'aller en enfer. On est tous pécheurs, mais Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Maintenant, vous pouvez demander, est-ce que ça veut dire qu'on va tous aller au paradis? Est-ce que vous croyez que tout le monde va aller au paradis parce que Jésus a fait ça pour nous? Et la plupart vont dire non, n'est-ce pas? La plupart des gens vont dire non. Et ça permet de faire la transition vers la troisième partie, mais qu'on verra plus tard. Allez dans 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez bien. Je vais vous donner d'autres possibilités de versets. Donc là, c'est plutôt des versets, ce qu'on appelle substitut. Donc à la place de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, vous pouvez donner 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Un verset substitut, c'est des possibilités d'autres versets. Ou complémentaire, si quelqu'un peut-être a un doute, mais généralement, c'est pas nécessaire. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Vous pouvez même le mentionner, celui-là, qui lui-même a porté nos propres péchés en son propre corps sur l'arbre. Afin que, en plus de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, si vous voulez, rapidement à l'oral. Afin que nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui, par les coups duquel vous avez été guéris. Donc le Seigneur Jésus, il s'est fait péché pour nous. Retournez dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, si vous voulez bien. Donc là, on a vu la première partie, le péché et ses conséquences. On est dans la deuxième partie, l'évangile. L'évangile, donc on a vu la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la solution, après avoir vu la conséquence de nos péchés, la solution, c'est qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, relisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Donc ça aussi, c'est un passage substitut. Vous pouvez l'utiliser à la place de Actes chapitre 2, mais je vous conseille plutôt Actes chapitre 2. Ou en complément, si jamais vraiment quelqu'un doute, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. « De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ, donc on voit, mourut pour nos péchés, selon les Écritures. » Vous pouvez leur dire, comment on sait que Jésus est mort pour nous? Parce que la Bible le dit. Parce que les Écritures vous confirment que Jésus-Christ est mort pour nous. Et qu'il a été enterré. Seigneur Jésus a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Comment on sait qu'il est ressuscité? Parce que la Bible dit qu'il est ressuscité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un bon chapitre aussi, il y a d'autres versets sur la résurrection. Si quelqu'un ne croit pas en la résurrection, il n'est pas sauvé. Et vous ne pouvez pas faire prier quelqu'un qui vous dit qu'il ne croit pas en la résurrection, non, ça fait partie du salut. On croit que le Seigneur Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité. Même dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, dans le chapitre, il est dit que notre foi, elle est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité. Donc, liste de versets pour vous faire un résumé dans cette deuxième partie de l'évangile. 1 Jean chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Et Actes chapitre 2, verset 30 et 31. Normalement, ça suffit. On voit l'évangile. Maintenant, plusieurs choses à éviter. Donc, je vous en ai donné pour la première partie. Deuxième partie, plusieurs choses à éviter. Pas besoin d'expliquer longuement la Trinité à quelqu'un qui l'a accepté. Comme pour l'enfer. Pas besoin de donner 4, 5, 6 versets, alors que la personne a dit déjà qu'elle l'accepte, si la personne déjà connaît. 1 Jean chapitre 5, verset 7, ça suffit. N'oubliez pas de mentionner qui Jésus est, parce que peut-être quelqu'un un jour pourrait prêcher l'évangile en disant, voilà, Dieu nous aime, et directement, ah, il faut croire en Seigneur Jésus-Christ. Non, qui Jésus est, n'est-ce pas? Qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Donc ne pas oublier ça, je pense que personne fait ça, mais voilà, c'est important. Ne pas oublier de mentionner l'évangile aussi, notre pasteur le disait, mais... Quelqu'un qui dit, passerait directement, il faut croire en Jésus-Christ en oubliant de parler de la résurrection. Personne fait ça, je pense, ici, mais c'est important. Peut-être quelqu'un écoute en ligne et le faisait pas, mais ou plus tard, voilà, on ne parle pas de croire en Jésus-Christ, de l'assurance du salut, avant d'avoir parlé de qui Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc on voit cette progression logique. Donc là, à travers les points qu'on a vus, on a vu une progression logique. Ne pas dire aussi, le pasteur le disait, c'est important, ne pas dire que c'est que l'enfer pour le paiement de nos péchés. Dire oui, le paiement de nos péchés, c'est parce que Jésus est allé en enfer. Non, il est mort sur la croix, et il a été enseveli, et il est allé en enfer. L'évangile, c'est pas juste le fait que Jésus-Christ est allé en enfer pour nous, c'est sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Donc c'est un point important, encore une fois, je pense que personne fait ça ici, mais c'est un point important, on sait jamais ce qui se passera plus tard, et qui écoute. Important de poser des questions aussi, n'oubliez pas, donc cette importance de poser des questions, on a vu plusieurs questions que vous pouvez poser à travers la présentation, parce qu'on veut garder l'attention des personnes, on veut que les gens soient investis, on veut savoir qu'est-ce que les gens croient aussi, donc ça permet ça, est-ce qu'ils comprennent? N'oubliez pas aussi qu'on veut savoir ce que les gens croient, n'est-ce pas? Donc poser des questions, ça permet ça, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils acceptent? Donc pour un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, donc le message d'aujourd'hui est un peu moins long parce que voilà, c'est la deuxième partie, le péché et ses conséquences, l'évangile. Probablement la partie 3 sera un peu plus longue, mais c'est suffisant pour aujourd'hui. On a vu quoi? On a vu le péché et ses conséquences. Je vous fais un résumé, le fait qu'on est tous pécheurs, personne n'est parfait, on mérite tous d'aller en enfer. L'enfer est un lieu de tourment éternel. Dieu est juste, on est coupable. Et on a vu dans Galates chapitre 3, verset 24, qu'il est dit que c'est pourquoi la loi a été notre maître d'école, pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Des fois, si les gens vous disent, mais pourquoi les 10 commandements alors? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est sauvé en gardant les 10 commandements. Les gens, quand vous leur dites il y a des gens qui vont dire qu'ils sont sûrs d'aller au paradis, ils vont leur demander qu'est-ce qu'il faut faire, il faut garder les 10 commandements. Et dites-leur pas, oui, mais tu l'as pas fait, dites-leur, non, c'est pas ce que dit la Bible, on n'est pas là pour les ridiculiser, n'est-ce pas? Mais c'est ridicule de croire qu'on a tous gardé les 10 commandements. Pareil, quelqu'un qui va vous dire, voilà, je suis sûr d'aller au paradis parce que je suis une bonne personne, à l'intérieur de nous, voilà. Mais on va pas rigoler, on va pas se moquer de la personne parce que, on sait qu'on peut pas aller au paradis parce qu'on est une bonne personne, n'est-ce pas? Et les gens ne le savent pas. Des fois. Et ils croient vraiment sincèrement que, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Donc, la loi était notre maître d'école. Si quelqu'un croit que c'est les 10 commandements, lui dire, voilà, non, la loi nous conduit à Jésus-Christ, on est sauvé par la foi, pas par le fait de garder les commandements. Donc ça, donc on est tous coupables. Liste de versets, si vous voulez les noter, peut-être que vous l'avez déjà fait. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23, le début du verset. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et Apocalypse chapitre 20, verset 10. Donc ça, c'est pour la première partie, le péché, ses conséquences. Ensuite, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. N'est-ce pas? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on mérite d'aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être sauvé. Parce que Dieu nous aime. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Donc, qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il est Dieu. Il est venu sur la terre. Vous pouvez dire qu'il est né de la Vierge Marie aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Il a mené la vie parfaite que nous, on peut pas mener. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est allé en enfer. Il est ressuscité des morts. Et donc, liste de versets par rapport à ça. 1 Jean chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Et Actes chapitre 2, verset 30 et 31. Ça fait 9 versets. Là, vous avez 9 versets déjà. Et là, si on s'en tient seulement aux versets de base, je vous ai donné aussi des versets complémentaires, ou des versets similaires, mais là, c'est les versets de base. Vous avez déjà 9 versets à dire à personne. Et là, on arrive à peu près à la moitié de la présentation. Je pense que, en termes de temps, c'est pas la moitié, mais en tout cas, on est la moitié au niveau des parties. Première, deuxième, troisième, quatrième. Je pense que première, deuxième partie, ça va plus vite que la troisième et la quatrième. Mais à travers ces deux parties, vous avez vu, il y a une progression logique, n'est-ce pas? Progression logique, le péché, ses conséquences, la solution. Et dans la troisième partie de la série, on verra comment bénéficier de ça. Comment bénéficier justement du fait que Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Comment aller au paradis, comment bénéficier du salut. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? On verra dans la troisième partie. Et la quatrième partie, c'est l'assurance du salut. Et notamment pour donner un avant-goût de la troisième partie, mais bien sûr la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », n'est-ce pas? Après, c'est le verset où on va aller après. Comment on va au paradis? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et Jean chapitre 3, verset 15, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et donc ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, mais la solution, c'est quoi? Comment en bénéficier? C'est de croire en Jésus-Christ, d'avoir confiance en lui pour recevoir la vie éternelle. Donc ça, on verra ça dans la troisième partie, et puis l'assurance du salut. Le fait que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, pas la vie temporaire que Dieu peut vous reprendre, la vie éternelle, et donc le pardon de tous vos péchés. Donc ça, c'était la série Soul Winning, c'était un sermon un peu différent d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on voit ensemble la méthode. La plupart des gens ici savent déjà, mais voilà, comme j'ai dit, c'est bien pour progresser, c'est bien de savoir la méthode de notre église, parce qu'on est un groupe qui fait partie de notre église, c'est bien pour les gens qui viendront plus tard, on pourra leur montrer cette playlist, les gens qui veulent apprendre aux lignes. Donc c'était comment gagner des âmes, partie 2, il y aura une troisième, quatrième, et je pense pas qu'il y aura besoin d'une cinquième, mais voilà, on va prier. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur, merci infiniment de nous avoir sauvés de l'enfer Seigneur, pour les personnes qui sont sauvées, Seigneur, merci de nous avoir sauvés de cette terrible conséquence du péché, Seigneur. Et voilà, tu prends vraiment pas ça à la légère, Seigneur. Et la Bible nous met vraiment en garde sur le fait qu'on mérite tous d'aller en enfer, que l'enfer est un lieu horrible et effroyable, Seigneur, de brûler pour toujours dans le feu. Et voilà, chacun d'entre nous méritons d'aller en enfer. Et merci Père pour la solution, le fait que le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est venu sur terre, Seigneur, mourir pour nos péchés, a été enseveli, il allait en enfer pour nous, il est ressuscité. Donc, merci Seigneur pour l'évangile, merci Seigneur pour cette magnifique méthode, Seigneur. Et voilà, je prie pour que chaque personne, et nous ayons tous l'humilité, Seigneur, d'utiliser une méthode qui a fait ses preuves depuis des générations et qui a converti des je pourrais même pas donner un chiffre de personnes, mais voilà, cette méthode approuvée, testée et confirmée, Seigneur, et je prie pour que nous ayons l'humilité de continuer à utiliser cette méthode et pas partir dans des méthodes complètement nouvelles ou de se dire voilà, je veux inventer quelque chose. Non, tenons-nous à ce qui a déjà été approuvé. Je sais que toutes les personnes qui ont déjà eu des personnes converties ici savent que cette méthode fonctionne, Seigneur, parce que c'est ta parole qui a du pouvoir. Et merci parce que tu es un Dieu d'or, donc on va avoir cette logique, cette structure. Je prie pour que tu puisses bénir nos efforts d'évangélisation, Seigneur, que tu puisses voilà toucher le cœur des gens qui écoutent aussi, Seigneur, qu'ils puissent aller évangéliser, comprendre l'importance d'aller évangéliser. Et voilà, voilà, merci Père, merci pour ta parole. On prie pour la bonne continuité et la fin du service et que tout le monde puisse bien rentrer chez soi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.